Big money, big money, big money. Big money money, big boy, big boy, big dégain, grosse gouffe, intérieur cuir pour des grosses connasses, mat c'est quoi les bails, big, big, syntex plus balèze que les favelas, trafic de shit, biz, pour avoir plus de thunes qu'à Las Vegas, si j'avais plus de thunes qu'à Las Vegas, dehors seront mes refs qui s'entraînent, se lassent, des lilas au nid, de au nid à ville, plein temps de peau ou en pleine, dans la rue, ou en guine, en hess ou en crise, de syntex au gad, B au gad, B au gad, M là, c'est la même tous, on est dans la même. Même si on garde bonne mine, là c'est gars de NSO. Écoute le son, fait maison, made in NSO. Pour mon crew, criminel réseau, du talent à poire qui font un bon départ. Qui roule loin, se feront connaître dans plusieurs départs. On est à pour passer les étapes, monter en grade, monter les étages. S'accrocher comme Pactou, s'accrocher comme Pactou. Big money money, big boy, big boy, big dégaine, grosse gouffe, intérieur cuir pour des grosses connasses, mat c'est quoi les boys, big, big. Big money money, big boy, big boy, big dégaine, grosse gouffe, intérieur cuir pour des grosses connasses, mat c'est quoi les boys, big, big. Tout c'est la même, tout vient et tout part. J'en ai une, je la tiens, c'est impossible qu'elle repart. J'y tiens dans tous les départements, c'est la même. On veut faire du fric et rapidement. Tu veux, je te raconte nos vies de test très rapidement. Là où on a grandi, où certains les armes, ils ont brandi très rapidement. Tu sais qu'on préfère ça que de mendier, évidemment. La rue elle est crue, tout le monde croque dur dans le système. Y'a une big, big, big anomalie. Obligé de cogner dur comme Mohamed Ali. Faut les billets dans ce biz, y'a que ça de vrai. Y'a que ça de vrai. Big money money, big boy, big boy, big dégaine, grosse gouffe, intérieur cuir pour des grosses connasses, mat c'est quoi les boys, big, big. Big sont les boys, donc big sont les emmerdes. Nique l'état, sa mère et ses lois, je les emmerde. Faut du fric et vite qu'on se casse, d'ici vite et vite. Dans ma tête, faire le vide, vite, impossible. Trop de crabes, trop de putes, entraînés par d'autres putes crapuleux. Ici c'est la brigade anti-poucab, anti-crapuleux. Dansez le nom fabuleux, baisse jamais ton pote pour une histoire de fille. Ma la vie c'est pas un film, redescends sur terre, sur ma tête. On va y passer sous terre, je te raconte pas la grande guine qui nous attend six pieds sous terre. Impossible. De Harbat Selek, paradis ou l'enfer, difficile mec, faut l'admettre, on sera dans un sale état. Je sais pas ce qui se passera, on est conscient, mais on s'en bat les balais pour l'instant. Les frères fument, tease, bise, pull, roule déguise, hey, on s'en bat les balais. Navré si ta mère j'ai insulté, c'est vrai qu'on s'emporte vite, vite. Bienvenue à NSO, mon cartel, mon sous les garçons comme des détenus. Sont enchaînés à la thèse depuis leur plus jeune âge, comme des détenus. Vicieux et le serre depuis des décennies, alhamdoulilah, j'ai un CDI. Pour le moment, pas besoin de grosse gouffe, je roule en DCI. Big money money, big boy, big boy, big dégaine, grosse gouffe, intérieur cuir pour des grosses connasses, mat c'est quoi les boys, big, big. NSO style l'équipe, criminel réseau la boîte, ba ba ba ba ba boîte. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais.